tellement loin, le futur est derrière moi. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt. Le jour où ça va chier, j'ai perdu des amis, des vrais. De nombreux anges m'ont lâché. Avec la horde, flingue à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils, nous dire qu'ils sont papa. La hagra ça paye pas. Apparemment si j'ai l'impression que ça va pas. J'ai coupé le canon à la scie, tu honores le mauvais drapeau. Ton étendard t'a menti, Pablo Escobar sur la peau. Tu ressors faire un Yankee. Ce matin côté hollandais, pas flottant cocaïna. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Diallo m'a pris 200€ pour un gris-gris contre les poils. J'suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'vois tout en mouvement PayPal, minégro, miné en dertal. Pas de sang, pas de révolution, que du sang d'ici en sommet. Comme dans chaque exécution. Monte la deux roues surchargée, s'envoie le bédo à Métimal. Que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Zizou m'a dit descend l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ibu, on allume ton Boumara. Tant que le ciel est avec nous, parler ne m'intéresse pas. Je préfère tous les mettre à genoux. Papote avec mon douze coups, peut-être que tu l'intéresseras. La hagra ça paye pas. Pourtant j'ai grossi la Honda GSX, numéro 10 Maradona. On a fumé l'espoir, faut toucher du bois. Faut que ton abus de pouvoir, chez moi c'est les balles qui font la loi. Saint-Martin côté hollandais, paquet flottant cocaïna. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Diallo m'a pris 200€ pour un gris-gris contre les balles. J'suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'vois tout en mouvant PayPal, minégro, miné en dertal. Pas de sang, pas de révolution, pas du sans issue au sommaire. Comme dans chaque exécution, paquet flottant cocaïne.